belong. What is wine? Vivre dans nos pas, c'est comme un soleil dans le gris du ciel. What is white? Ibi, bi, bi, bi. Ibi, bi. Ibi, bi. Ils sont arrivés dans une nuit sans bagage et tenue, comme un cyclone inattendu, comme une pleura avant la saison, comme une pluie, un papillon, en de l'on n'a jamais écrit. What is wine? Dis la lise, non. What is wine? Viva Donova, c'est comme un soleil dans le gris du ciel. What is white? Ibi, bi, bi, bi. Ibi, bi. Ibi, bi. Toi qui as voulu t'emprisonner, a-t-il le droit de condamner celui qui cherche à s'évader? Chaque mène sa vie comme il veut, tu ne peux plus baisser les yeux, car c'est vrai que tu es né. What is wine? Dis-le en isolant. What is white? Viva dans nos pas, c'est comme un soleil dans les gris du ciel. What is white? Ibi, bi, bi, bi. La la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la.